Merci d'écouter Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord la charpente. Le forum citoyen composé des membres du CNRD regroupant les opposants de l'extérieur du pays et certaines organisations de la société civile radiées ou suspendues par Bujumbura demande aux médiateurs dans la crise burundaise d'user de ses prérogatives pour suspendre le référendum prévu au mois de mai prochain. Cela est contenu dans une correspondance que les dirigeants de ce forum ont envoyée au président ougandais Yoweri Museveni. De mort et une trentaine de blessés, tel est le bilan d'une attaque à la grenade de ce samedi soir en commune Negarombo de la province Kayanza. Deux présumés auteurs sont dans les mains de la police. Et en province Bujumbura, commune Kanyosha, quatre personnes sont mortes à la suite d'une sorte d'igname qu'ils ont consommé au cours de cette semaine. On va aussi vous faire les détails dans ce journal présenté par Robin Nyonguru. La mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaïsenga. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour ouvrir ce journal. Le forum citoyen demande aux médiateurs dans le conflit inter-burundais d'exiger à l'État burundais l'arrêt du référendum constitutionnel prévu le 17 mai prochain. Tel est le contenu de la correspondance que ce forum, qui regroupe le CNRD et certaines organisations suspendues ou radiées par le gouvernement burundais, a dernièrement adressé au président Yoweri Museveni. On me signale que l'élément n'est pas encore disponible et on va y revenir. Le port de badge est obligatoire pour tout jeune et en patrouille de sauvegarde de la paix. Le président de communal de la Ligue des jeunes, Imbonera Kuria Muyinga, parle de stratégie pour éviter que des inconnus commettent des bavures et salissent l'image de cette organisation. Dieudonné Nzeiman. Le nom et le prénom, le numéro matricule et la photo sont les éléments essentiels du badge porté par les jeunes du parti au pouvoir à Muyinga. Ce badge porte la mention Comité mixte de sécurité. Le port de ce badge est obligatoire pour tout jeune Imbonerakure en travail de sauvegarde de la paix, lance Celestin Muzimana, responsable communal de la Ligue Imbonerakure. Ce badge identification personnelle permettra d'éviter que des individus mal intentionnés commettent des bavures pour éclabousser l'image de la Ligue Imbonerakure, a-t-il affirmé samedi lors de la manifestation portant démonstration de la force du parti au pouvoir à Muyinga. Il y a une semaine, un militaire à bord d'une moto a eu un accident et des jeunes prétextant être des Imbonerakure l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Après enquête de la police, il a été prouvé que les coupables ne figuraient pas dans la base de données des Imbonerakure, affirme le responsable communal. Vous savez que normalement, les comités mixtes de sécurité institués par ordonnance ministérielle ont des membres choisis au sein des administrations, les corps de sécurité, les organisations de la société civile. Ces comités traitent les questions en rapport avec la sécurité et ne dépendent pas d'aucun parti politique. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Revenons sur l'élément précédemment annoncé où le forum citoyen demande aux médiateurs dans le conflit inter-burundais d'exiger à l'État burundais l'arrêt du référendum constitutionnel prévu le 17 mai prochain. Tel est le contenu de la correspondance que ce forum, qui regroupe le CNRD et certaines organisations suspendues par le gouvernement burundais, a dernièrement adressé au président ougandais Yoweri Museveni. Les détails sur le contenu de cette lettre avec Joseph Sabiabandi. Dans cette correspondance, le forum demande aux médiateurs et à la communauté des pays de l'Afrique de l'Est de contraindre le gouvernement burundais de renoncer à l'organisation du référendum constitutionnel prévu le mois prochain. Selon ce forum, qui regroupe certains leaders des partis politiques de l'opposition en exil et certains responsables des organisations suspendues par le gouvernement, la nouvelle constitution, une fois votée, enterrera définitivement l'accord d'Arusha signé en 2000. Il ajoute que le changement de la constitution met un terme à l'espoir de trouver une solution négociée au conflit inter-burundais. Le forum citoyen sollicite le médiateur dans le conflit burundais de relayer ce message auprès des chefs d'État de l'EAC, car, estime-t-il, si le Burundi va mal, leurs pays en sont affectés parce que les pays de la communauté partagent un même destin. Isanganiro, la radio de l'avenir. Quatre personnes ont été tuées ce jeudi, de jeudi à samedi à Mouira, c'est dans la commune de Kanyosha, de la province de Bujumbura, des suites d'une sorte d'igname qu'ils ont mangé la nuit de mercredi à jeudi. Ceux qui avaient consommé cet aliment étaient en tout au nombre de 16. Selon les informations sur place, les habitants de la localité craignent par ailleurs pour la vie de ceux qui sont sur le lit d'hôpital aujourd'hui. Les précisions de Francine Ndiokubgayo qui s'y est rendue. Biteye ubwoba na gahinda no mubabaro n'abasigaye baguma bafise ubwoba cyane gose n'abagwigeze babikora ko ubafise impuwe. C'est la peur qui se lit sur les visages des gens rencontrés sur les lieux. Ils disent que c'est la première fois qu'un tel phénomène se produit sur cette colline. 16 personnes de deux familles batois de la zone de Moïda en commune de Kanyosha ont consommé ce produit. La radio Isanganiro a été sur la colline Kavumo où vit une des deux familles qui a perdu 3 membres, dont le père et un enfant. La veuve fait savoir que leur conjoint qui rentrait du travail mercredi avait sur eux des sacs bien remplis. Ils croyaient à des ignames simplement. Le chef culinaire Joachim Hachobilengeje lui a indiqué qu'ils avaient pensé d'abord, avant de les amener à l'hôpital, de les amener prier parce qu'il fallait, selon leur croyance, chasser les démons. Jusqu'à ce dimanche, 4 personnes sont déjà mortes et la population a peur qu'il pourrait y avoir d'autres pertes. Les habitants de Moïda appellent les autorités à intervenir et surtout enquêter sur cette culture qui emporte la vie des humains. Au bain, c'est la situation actuelle sur cette colline. Merci à toi, Francine. Je rappelle que nous étions ensemble au studio avec Francine et Andy Hokubgayo. Toujours en page sécurité, 2 personnes ont trouvé la mort, 34 autres blessés. Tel est le bilan d'une attaque à la grenade de ce samedi soir vers 18h30 au centre d'Igasegne en commune Gaombo de la province de Kayanza. 2 personnes, dont un policier et une fille qui a passé la journée avec lui, ont été arrêtés pour enquête. Des litiges fonciers seraient derrière cette malfaisance, d'après la police. Et un corps sans vie d'un homme connu sous le nom de Grégoire Mitabavuma a été retrouvé vers 14h de ce samedi dans la rivière Kayokwe. Cet homme, âgé de 45 ans, était originaire de la colline Hundusi de la commune Erusaka de la province Mwaro. Selon l'administrateur de la commune de Kayokwe, François Hondwa, cet homme s'est noyé il y a une semaine quand il traversait la rivière Kayokwe au retour de son boulot de fabrication du charbon de bois sur la colline de Moussama de la commune de Kayokwe. Dans la matinée de ce dimanche, une équipe de la Croix-Rouge du Burundi branché Mngaro était en train de récupérer son corps en présence des éléments de la police et du personnel de la santé, d'après toujours l'administrateur de Kayokwe. Et voilà, c'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, un petit rappel des titres. Le forum citoyen, composé de membres du Sénat regroupant les opposants de l'extérieur du pays et certaines organisations de la société civile, radio suspendu par Bujumbura, demande au médiateur dans la crise burundaise d'user de ses prérogatives pour suspendre le référendum prévu au mois de mai prochain. Cela est contenu dans une correspondance que les dirigeants de ce forum ont envoyée à Yoweri Museveni. 2 morts et 30 de blessés, tel est le bilan d'une attaque à la grenade de ce samedi soir en commune Garombo de la province de Kayanza. 2 présumés auteurs sont dans les mains de la police. Et en province de Bujumbura, au commune de Kanyosha, 4 personnes sont mortes à la suite d'une sorte d'igname qu'ils ont consommé au cours de cette semaine. Vous l'avez entendu à travers le reportage de Francine Ndiokubgayo. Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à Jean de Dieu Ndaisenga pour sa parfaite collaboration technique. Bonne journée à tous.